Yeah. Capi. Yeah. J'ai 16 rimes dans mon Glock, 16 balles dans mon bloc. La tête roulée, pas de calibre dans le froc. Je sais que je changerai rien malgré mon blason sur les listes. Si la vie est un film, je dois être un acteur de X. Aujourd'hui la vie sèche sans raison aucune. C'est super dur de rattraper toutes ces lacunes. Alors on s'exprime, s'exprime dans le brelique. On s'en sort bien, normalement c'est tox ou alcoolique. La vie nous baisse tous avec à peu près les mêmes clauses. Et au final on raconte tous un peu la même chose. Alors on s'expose, on se réfugie dans nos proses. On constate les dégâts avant que ça explose. On me dit vite saute, mais c'est chaud de prendre un train en marche, yeah. Certains y arrivent, mais combien restent en marge? Donc je marche, plus je cours pour rattraper le temps perdu. J'ai 16 rimes dans le clock et les problèmes perdus. J'ai que 16 rimes dans mon clock. 16 rimes pour décrire la vie en bas des blocs. J'ai que 16 rimes dans mon clock. 16 rimes pour te montrer que la France d'en bas est glauque. J'ai que 16 rimes dans mon clock. 16 rimes pour décrire la vie en bas des blocs. J'ai que 16 rimes dans mon clock. 16 rimes pour te montrer que la France d'en bas est glauque. J'ai que 16 rimes dans mon bloc. On s'estime, on s'escroque. On persiste, on débloque. Car on a trop de peine dans le stock. Trop de haine dans les blocs. On a marre aussi de prendre des claques. C'est vrai que je suis dismé, mais c'est vrai que je suis né sur le sol du coq. Les frères tombent dans la drogue, même dans l'alcool. Le bonheur n'est pas à la mode et la vie nous file des jours de colle. On patouche dans la merde et ça l'état s'en moque. T'as vu comment ça galère, mais putain, c'est quoi cette époque? La vie est dure, dure, plus je la croque, plus j'en perds mes dents. J'écris pas sans rature, tu et du son, je pourrais en faire des dons. J'ai que 16 rimes, l'encre coule de ma mauvaise mine. Dans la zermie, on piétine jusqu'à temps qu'elle nous extermine. J'ai qu'un mic, mec, le rap est mon seul exutoire. Ma vie n'est pas dans les cartes, mec, et je ne suis pas ton défouloir. Trop nous baratine, on veut tous finir au paradis. Ça se tape à coups de baramine, tout n'est pas beau comme dans Baradji. J'ai que 16 rimes dans mon Glock. 16 rimes pour décrire la vie en bas des blocs. J'ai que 16 rimes dans mon Glock. 16 rimes pour te montrer que la France d'en bas est glauque. J'ai que 16 rimes dans mon Glock. 16 rimes pour décrire la vie en bas des blocs. J'ai que 16 rimes dans mon Glock. 16 rimes pour te montrer que la France d'en bas est glauque. T'en sortir, faut que tu donnes plus. Je donne et à chaque fois on m'en demande plus. Nos vies sont tristes comme un oiseau qui ne chante plus. Alors je fais pleurer le glock sur des instrus. On m'a dit tu veux t'en sortir, faut que tu donnes plus. Je donne et à chaque fois on m'en demande plus. Nos vies sont tristes comme un oiseau qui ne chante plus. Alors je fais pleurer le glock sur l'instru. J'ai que 16.